Ézéchiel chapitre 35. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, tourne ta face contre la montagne de Séir, et prophétise contre elle. Et lui dit, Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, montagne de Séir, et j'étendrai ma main contre toi, et te réduirai en désolation et en désert. Je réduirai tes villes en désert, et tu ne seras que désolation, et tu connaîtras que je suis l'Éternel. Parce que tu as eu une inimitié immortelle, et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, autant de leur calamité, et autant de leur iniquité, qui en a été la fin. C'est pourquoi, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, que je te mettrai tout en sang, et le sang te poursuivra, parce que tu n'as point haï le sang aussi te poursuivra. Et je réduirai la montagne de Séir en désolation et en désert, et j'en éloignerai tous ceux qui la fréquentaient. Et je remplirai ces montagnes de ces gens mis et morts. Tes hommes tués par l'épée tomberont en tes coteaux, et en tes vallées, et en tous tes courants d'eau. Je te réduirai en désolation éternelle, et tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, les deux nations et les deux pays seront à moi, et nous les posséderons, quoique l'Éternel ait été là. À cause de cela, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, que j'agirai selon ton courroux, et selon ton envie que tu as exécuté à cause de tes haines contre eux, et je serai connu entre eux, quand je t'aurai jugé. Et tu sauras que moi, l'Éternel, j'évite toutes les paroles insultantes, que tu as prononcées contre les montagnes d'Israël, en disant, elles ont été désolées, elles nous ont été données pour les consumer. Et vous m'avez bravé par vos discours, et vous avez multiplié vos paroles contre moi, je les ris. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, quand toute la terre se réjouira, je te réduirai en désolation. Comme tu t'es réjoui sur l'héritage de la maison d'Israël, parce qu'il a été désolé, j'en ferai de même envers toi, tu ne seras que désolation, aux montagnes de Séir, même toutes tes demandes entièrement, et ils sauront que je suis l'Éternel.